Lisbeth releva sa petite cousine et l'embrassa passionnément. « Ma chère Hortense, tiens bon !» lui dit-elle à l'oreille. La baronne embrassa sa cousine bête avec l'enthousiasme d'une femme qui se voit vengée. La famille tout entière gardait un silence profond autour de ce père, assez spirituel pour savoir ce que dénotait ce silence. Une formidable colère passa sur son front et sur son visage, en signes évidents. Toutes les veines grossirent, les yeux s'injectèrent de sang, le teint se marbra. Adeline se jeta vivement à genoux devant lui, lui prit les mains. « mon ami, grâce !»« Je vous suis odieux !» dit le baron en laissant échapper le cri de sa conscience. Nous sommes tous dans le secret de nos torts. Nous supposons presque toujours à nos victimes les sentiments haineux que la vengeance doit leur inspirer, et malgré les efforts de l'hypocrisie, notre langage ou notre figure avoue au milieu d'une torture imprévue, comme avouait jadis le criminel entre les mains du bourreau. « Nos enfants, dit-il pour revenir sur son aveu, finissent par devenir nos ennemis.